Ici, on parle français. Прослушайте текст и скажите, к какой хитрости вынужден был прибегнуть владелец магазина. Для чего он это сделал? Au Canada, on parle anglais et français. Officiellement, c'est un pays bilingue, mais en réalité, on y parle anglais plus que français. Les gens d'expression française veulent protéger leur langue et leur culture bien qu'ils parlent anglais. Ils préfèrent donc faire des achats dans les magasins où ils peuvent communiquer en français et chez les marchands qui parlent français. Dans beaucoup de magasins, on peut voir sur la porte une inscription. On parle français. Mais ce n'est pas toujours vrai. Quelquefois, ce sont les clients qui parlent français. Et souvent, le propriétaire connaît seulement quelques mots en français. Un commerçant a ouvert un magasin de confection dans un quartier francophone. La première semaine, personne ne venait acheter de vêtements parce qu'il n'y avait pas d'enseigne. Un de ses amis, un commerçant très sage, lui a dit « Si tu veux améliorer tes affaires, tu devras mettre l'écriteau dans la vitrine. » Mais je ne sais ni parler ni écrire un seul mot de cette langue, a déclaré le négociant honnête. Je ne veux mentir à personne. Ça n'a aucune importance, a dit son ami. Je vais venir t'aider demain matin. J'ai une bonne idée. Nous allons changer quelques mots dans ton enseigne ordinaire. Le lendemain, les clients ont vu dans la vitrine cette enseigne extraordinaire. On ne parle pas français ici, mais les prix sont moins hauts. Depuis ce jour-là, le magasin a beaucoup de clients.